ça, Evelyne. Tu m'as aimé, crois-moi. Tu es vide, tu es feu, tu es vain. Tu es vieux, tu es vide, tu n'es rien. J'adore, Evelyne. Tu vois, tu m'aimes encore. T'en fous. Evelyne, tu es injuste. Evelyne, tu adores.